Thank you.

et messieurs, ce soir nous avons la guitare Mister Yvonne. En deuxième guitare, nous avons l'Espagne. Viva España avec Mister LOL. C'est un peu le bordel. Et à la basse, mesdames et messieurs, gloire à l'Amérique, gloire à Donald Trump, les Américains, nos idoles, sans qui on ne serait pas là, nous les petits Français. C'est quand même grâce à vous, les Américains, qu'on s'en est sortis pendant la guerre. À la basse, Mister Best Chuck. Je vais vous mettre la caméra. Attention. Hello, America! I think my computer is not good because camera. Electric guitar. I see in your camera is the electric guitar, yes? C'est le bass ou n'est-ce pas? J'arrive pas à voir. BPM change. Mister. Alors, Monsieur Past Chubb, I'm sorry for my English, very bad English. Mr. Pat Chubb, do you hear me? Evan, calme-toi, Evan. I don't hear American player. I see your camera, but I don't hear sound. No sound for you. I'm sorry, Mr. Page Chubb. Do you hear me? I say, I don't hear your guitar sound. What's the matter? What's the problem? I see your camera, I hear Evan guitar, but I don't hear Page Chubb. C'est pas la peine de changer le BPM, on t'entend pas. Maryse, je ne vous entends pas, Maryse. On m'a cassé mes lunettes. Yes, you hear me, but I don't hear you. Benji is like French guy, yes. Et maintenant, mes enfants, nous avons les Brésil, American people, Royaume-Uni. Rock and roll. Non, je n'ai pas de son. Je n'ai pas de son. J'ai du son en Angleterre, j'ai du son au Brésil, mais je n'ai pas de son en Amérique. Est-ce que tu parles français, Paytube? Do you speak French a little? En général, les Américains, ils parlent pas français, ils en ont rien à foutre du français. Please, could you speak French? Ah, nous avons l'Angleterre à ma droite. Au Brésil, c'est espagnol en Brésil, non? Habla espagnol un poco. Yeah! Bravo, monsieur Yvan! Oula, attention là! And now the big sound! Please, do you see my camera? Look at this. Do you see my camera? This is for me the best amps. A little amp, a small amp. No, I use the Jamtaba. Do you see me? Do you see me? Just we need someone could see my camera? No camera. Okay. Just Pitchub, États-Unis, got the camera. Okay. But look at this. I like these amps. This is a good amp. It's just a Black Star amp. I like this. You turn the button, and just when you turn the button, you got the English sound or American sound. ESF. Do you know ESF? You turn the button to the left of the right, and you got a big, a nice sound. Crunch, disto. It's a really good amps, and not much expensive amps, but it's amps to play in the small room. Okay. Thank you.